John Cale et Laurel Hallow. Pablo Jiménez, lui, est originaire de Linares, en Espagne. Il vit aujourd'hui à Madrid et produit un dubstep ultra raffiné. Le voici en 2021 sous le nom de Gadzi et c'est notre powerplay de la semaine. La nuit des temps, Radio Duo. du sang pour la Mara, ambitieux comme Shakur Amaru. J'arrive sur scène en Yamaha, dans les airs, mangerai pas sur la route. Dans le game, on sent, j'suis trop zen. J'suis pas du genre, j'blesse mon brother. On m'appelle l'OVNI, c'est trop simple. Au sud, tout le monde fume du Frozen. Oh, j'ai pas au hermano, j'suis encore là cette année. Et me sert plus la mano, ça y est, moi j'ai vu ton manège. Rapide comme Alexis Sanchez. Moi c'est Jules gros, moi j'nique tout. Moi c'est Jules gros, moi j'nique tout. Tu peux pas me boire, ben tiens, ritou. J'fume pas de stone. Je laisse pas mes seins pour une liasse de sang ou pour des chounes. Eh ouais le sang, toujours le même quand je me saoule. Eh ouais le sang, toujours le même quand je me saoule. Quand je me saoule. Où tu veux qu'on aille? N'éclairer la zig où tu veux qu'on aille? À Marseille dans le sud où tu veux qu'on aille? Wesh cabron, cito, maintenant les petits vannes, cito. Pour aider maman à la cité, faut le salaire d'un joueur de Man City. C'était moi en lunettes aux clés. Poto, tu mets pas, ok, ok. De 22, j'suis venu choquer, ils ont même pas le temps de suffoquer. Où tu veux qu'on aille? N'éclairer la zig, où tu veux qu'on aille? À Marseille dans le sud, où tu veux qu'on aille? C'est Marseille et son Joule pour faire la maille et de quoi filer vers la plage du Prado avec Red Greg Garrison par exemple et ses zodiacs ou encore avec les amis juste après la mer, la nuit, les étoiles. Peut-être n'est-il plus temps de faire semblant, peut-être est-il temps de passer à autre chose avec les MGMT. C'est pour ça, c'est pour tout ça et vous êtes sur Radio Dio. La nuit des temps, l'international de la danse. Let's make some- Chico Serio, Serio. Gadzi, Chico Serio, et c'est notre powerplay de la semaine. J'aime comment tu danses, et c'est bien. Aya Nakamura, pam pam pam. Nous sommes en 2018, entre Bamako et Paris. Et est-ce que ça te plaît ? J'aime comment tu danses, c'est bien. Ma musique te va trop bien. Danser pas, voix de la musique qui fait pom pom pom. Voix de la musique, viens, c'est dans. J'aime comment tu danses, c'est bien. Ma musique te va trop bien. Danser pas, voix de la musique qui fait pom pom pom. Voix de la musique, viens, c'est dans, ironie du sort, j'ai calmé le bouc. Il en a vu des gommes, mais j'ai gagné la coupe. T'as des manières à faire craquer. Aya, comment t'as fait pour le choper? Je veux du soleil sous les tropiques. Au bord de la mer, j'oublie mes copines. Le mec est accro, j'ai plus rien à faire. C'est toi et moi dans le merco. Toi et moi dans le bando, est-ce que ça te plaît? La go est sexy, pas van solo, est-ce que ça te plaît? Le mec est blindé, intelligent, est-ce que ça te plaît? J'aime comment tu danses, c'est bien. Ma musique te va trop bien. Danser pas, voix de la musique qui fait pom pom pom. Voix de la musique, viens, c'est dans. J'aime comment tu danses, c'est bien. Ma musique te va trop bien. Danser pas, voix de la musique qui fait pom pom pom. Voix de la musique, viens, c'est dans. Ton regard peut me tuer. J'ai fait la bête, tu m'as capté. Tu sais que c'est toi qui m'envoûte. L'avenir est à nous, ça fait aucun doute. suis-moi dans mon délire. Pour toi, je ferai le meilleur. Viens, ouais, sur la piste tard le soir. Viens, bouge, viens, danse dans le noir. J'aime comment tu danses bien. Ma musique te va trop bien. Danser pas, voix de la musique qui fit pom pom pom. Voix de la musique, viens, c'est dans. J'aime comment tu danses bien. Ma musique te va trop bien. Danser pas, voix de la musique qui fit pom pom pom. Voix de la musique, viens, c'est dans. J'ai le listing, j'ai tout prévu. Tu as tout ce qu'il faut, c'est un phénomène. T'es dans la peau, je suis trop sincère, je raconte ton carago. Il m'a dit ah ouais, aïe, tu fais la go. Tu t'excites, pourquoi tu fais la go? J'aime comment tu danses bien. Ma musique te va trop bien. Danser pas, voix de la musique qui fit pom pom pom. Voix de la musique, viens, c'est dans. J'aime comment tu danses bien. Ma musique te va trop bien. Danser pas, voix de la musique qui fit pom pom pom. Voix de la musique, viens, c'est dans. You better get your girlfriend. Et voici maintenant deux frangins fantastiques, George Johnson surnommé Lightning Leaks et Louis Johnson surnommé Thunder Bounce. Ils font de la musique au lycée et puis sont rapidement découverts par Quincy Jones et Stevie Wonder. Voici The Brother Johnson. I'll be good to you. I'll be good to you. I just want you. just want you to. Parfois se sentir bien seul en kiffant un titre victime des pires moqueries, c'est le cas avec le dernier single de Whitney Houston, et nous sommes en 2009. Million Dollar Bill. We hit the floor, he held me strong, and we danced the night away. $1 million Bill a été composé par Alicia Keys. Nous sommes en 2009 et c'était censé relancer la carrière de Whitney Houston. Cette merveille est un diamant taillé pour Tina Turner ou Diana Ross, mais c'était pour Whitney. Custom cuss leaks, Gator shoes. Take me all back, yeah. Just can't get enough. No, I can't. Just can't get enough. Without you. You and me. Channel 3. Channel 3. En 2022. Et c'est avec Adriano Celentano, pop star italienne des années 70, que nous allons refermer les portes de notre bon vieux club. Ce soir, on a aimé Comment tu danses, et c'est bien avec John Cale, un revenant du Velvet Underground, accompagné de Laurel Allo. On a également reçu Gazzi depuis l'Espagne, et il était en powerplay de la semaine. Et notre bon vieux hitmaker, Jules, toujours depuis Marseille. On a également accueilli Red Garrison et ses Zodiacs. Les ex-jeunes MGMT, que nous n'oublions pas. On a également accueilli Aya Nakamura et Mélancolique et sa mélancolie, mais néanmoins brillant, pom pom pom. Lui, j'adore aussi, c'est Tinava, qui use et abuse de sa toolbox. Les Brothers Johnson qui veulent être bons pour vous. Bons pour nous. On a également reçu Neil Francis. Et les 8 Minutes en 1972, dont le titre a visiblement inspiré Alicia Keys lorsqu'elle a composé l'un des tout derniers titres pour Whitney Houston. Et enfin, le bouillant Channel 3. Et le jazz merveilleux d'Ahmad Jamal. Vous savez, la nuit des temps est ouverte 24h sur 24 sur le site de Radio Duo. Et vous pouvez retrouver la programmation ainsi que les liens vers le podcast sur Instagram, La Nuit des Temps 2. Alors que les étoiles luisent dans le ciel de Saint-Étienne, nous allons rejoindre l'une d'elles en bonus. Il s'agit même de Susan Stevens, qui a fait récemment son coming out à l'occasion tragique de la perte de son copain. Il lui dédie un titre absolument bouleversant, et c'est avec lui, et c'est avec eux, que nous nous quittons ce soir. Dans quelques instants, A Running Start. Belle nuit sur Saint-Étienne. Buona notte à vous tous. I cross my arms to shield my heart. And as everything turns into waves, I see the light upon the lake, the silver moon, the water snake, a pair of eyes, a gentle breeze, forgotten tales, a wild beast. I know the time has come to ask you. Radio-Duo, 89.5, restez bien à l'écoute toute cette nuit. Thank you. No.